pourquoi ça repart comme ça? Qu'en as-tu fait? Il y a un problème après ça, ça réduit le son. Now. Ah, ça réduit, putain, pourquoi ça réduit le son? Days, bad days. Merde, tout le monde s'en va. Scott, anyway, try it for the gym. I'm sorry, mec. Follow guitar. Understand. tu fais, qu'as-tu fait de ta beauté? Okay, I think it's good. I restart. One, two, three, four. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta beauté? De ta silhouette élancée? Les années se ressemblent, on est de moins en moins ensemble. Mais qu'est-ce que t'as pris d'afficher tant de mépris? Où sont nos bains de minuit? Tu ris quand tu t'étrangles, j'en ai si peur qu'il te ressemble. Rendez-vous qui sait, dans une autre vie, dans un autre monde. Rendez-vous, rendez-vous qui sait, quand il fera nuit, quand il fera sombre. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta belle bouche? Ton goût pour les lieux bien louches, le latex et les cendres, on est de moins en moins ensemble. Qu'est-ce que t'as fait? Rendez-vous qui sait, dans une autre vie, dans un autre monde. Mais rendez-vous qui sait, quand il fera nuit, quand il fera sombre. Qu'est-ce qui t'a pris? Où est ton grain de folie, ton démon de midi? Garde l'urne et les cendres, j'aurais si peur qu'on te ressemble. Mais rendez-vous qui sait, dans une autre vie, dans un autre monde. Rendez-vous qui sait, quand il fera nuit, quand il fera sombre. Mais rendez-vous qui sait, dans une autre vie, dans un autre monde. Rendez-vous qui sait, quand je serai gris, quand tu seras blonde. I want solo. Are you ready to play solo? One, two, three, four. de mes jeux vidéo. Complet, hein. We'll be right back. L'adresse est longue, ouais. Attends. Ah merde, j'ai pas le logiciel. This is a ballad, a new ballad.